Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Chercher le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu me suffis, mon ami. célébrer l'Éternel, car il a fait de choses magnifiques. Ô Père éternel, tu es notre force, tu es notre abri, tu es notre appui, Seigneur. Tu es grand, Jésus, sois magnifié, sois élevé, Seigneur. Tu es le sujet de nos louanges, Seigneur. Oui, Père, nous venons t'adorer. Je m'appuie sur toi qui mourus pour moi pour me donner la vie. Je suis reconnaissant de ta grâce infinie qui me rend libre de ta douleur. Tu es infiniment grand, digne de louange, je loue ton nom. Dieu, tu es infiniment grand, digne de louange, je loue ton nom. Je m'appuie sur toi qui mourus pour moi pour me donner la vie. Je suis reconnaissant de ta grâce infinie qui me rend libre de ta chantons l'alléluia. Alléluia. Tu es élevé. Tu es élevé. Alléluia. Alléluia. Tu es glorifié. Alléluia. Alléluia. Tu es élevé. Tu es élevé. Alléluia. Alléluia. Tu es glorifié. Toi seul es digne, Seigneur. Toi seul es digne, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Yeah.

Et je loue son Seigneur.